c'est fou dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. Rémi Gauthier vient nous faire sortir au froid avec sa collègue plein air. On vous donne les résultats du carnaval. Assemblage requis, et ça se passe à maintenant. Des lampes ou des pieds de micro dans le chemin. Il faut que je te voie la face pour te comprendre, François. Salut. C'est un faciès si tant visuel. Merci, merci. Et qui doit être vu pour être cru. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Bon. Je sais pas quoi répondre, là. Je suis un peu gêné, en fait, là. Merveilleux. Ben, moi, c'est Mathieu Plante. Bonjour, François-Olivier Marchand. Bonjour, Mathieu Plante. Vous êtes à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées en ce mardi 25 janvier. Ouais. Aujourd'hui, petite journée simple. Petite journée ici à l'émission. Écoute, on va essayer de rendre ça agréable quand même. Ben oui, mais c'est toujours agréable en notre compagnie. C'est comme un compliment que je vous envoie à nous-mêmes de façon très, très humble. C'est apprécié. Ouais. aujourd'hui, on a Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Et si je peux vous laisser languir en vous donnant quelques sujets de nos conversations qu'on va avoir avec elle. Vas-y. C'est sympa. J'ai pas mis les pluriels aux bonnes places, je pense. C'est pas grave. Donc, Parc des Chutes de Sainte-Ursule, Auberge du Lac à l'Eau-Clair, Auberge le Baluchon, Auberge du Lac Castor et... Et quoi? Les portes ouvertes à l'école d'agriculture de Nicolet, oui! Non, I'm telling you! C'est les journées portes ouvertes hein, pour les écoles, c'est vraiment là que ça se passe. Ben oui. 8h, c'est en fin de semaine, l'école d'agriculture de Nicolet, je sais pas exactement, Émilie Gauthier va nous le dire un peu plus tard. Exact. J'ai vu une annonce aussi pour l'UQAM. Ah! Qui annonce ses portes ouvertes aussi. Donc, c'est parce que ça va coûter cher de chauffage, là, ces portes ouvertes-là, l'hiver. Boy, il faut fermer ça, surtout à des températures comme ça. Là. C'est ça. Pas le fun? Non. Ouais, faites attention de ne pas piquer une plonge dans les marches. Des escaliers. Qui seraient peut-être gelés. C'est avec ça. Avec les portes ouvertes. On ne sait pas. C'est ça, c'est difficile. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, on va avoir une chronique. C'est un fait, évidemment. C'est moi qui vous présente ça tous les jours avec un paquet d'informations utiles. Des plus utiles. Des plus utiles et des plus agréables. Bien sûr. On va suivre le carnaval parce que c'est commencé depuis hier. Oui, exact. On va donner les résultats. En fait, là, il y a trois grandes associations qui prennent les devants. Ah ouais? Oui. Avec pas mal. En fait, là, on voit une bonne... une très bonne différence de points, en fait, là. Je te reviendrai avec ça. D'accord, on en parle tantôt, mais pour l'instant, voici Golden Collider et Sound Central. Au 89 FM, c'est fou, dans vos oreilles. Toujours encore plus plaisant quand on chante dessus, François. Golden Collider, la pièce Sound Central, une pièce du palmarès de C'est fou au 89 FM. Vous êtes à l'assemblage requis. Maintenant, d'habitude, on reviendrait pas à ce moment-ci. On jouera encore un petit peu de musique pour repousser le contenu à plus tard encore. Mais là, tu m'as donné un CD de Hot Hot Heat et tu voulais faire jouer une pièce ou l'autre. Tu n'étais pas sûr. Mais on se demandait, en fait, quelle chanson. Je t'ai consulté et puis on n'était pas capable non plus de dire exactement laquelle on voulait entendre. C'est trop tellement c'est bon. Ben oui. C'est trop bon, donc vous nous voyez venir peut-être un petit peu avec ça. On tourne autour du pôle. Oh, oh, oh. C'est deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Et pour drop ça, drop ça. Deux fois, deux fois. Drop ça, drop ça. Deux fois, deux fois. Drop ça, drop ça. Deux fois. Drop ça, deux fois. Drop ça. Tourner autour du pôle, c'est beau. Mais en même temps, plonger le couteau dans le pot et tartiner après, c'est bon. C'est bon. Encore mieux ça avec du beurre de pinot croquant, là. Manium, manium. Donc, expliquons le concept révolutionnaire des Têtes deux fois. François, aide-moi, je sais jamais par où commencer. Écoute, un artiste. Un artiste. Tiste. Ok. J'aurais voulu être un artiste. Là, là, là, ouais, ouais. Ça t'en revient, là? Ouais, c'est bon. Ouais, un artiste. Beaucoup de succès. Okay. On fait un choix entre deux pièces. Uh-huh. Et puis, les deux, on fait un choix en même temps. On choisit de jouer les deux en même temps, finalement. Mais pas en même non, temps. Non, pas en même temps. Ok, un après l'autre. Un après l'autre. Ok, ah, ah, ah. Un après l'autre. Wow. Mais il y a comme pas d'ordre. Fait que si tu veux commencer avec n'importe laquelle, tu peux. Wow, mais c'est vraiment une bonne idée. À nous les millions. À nous les millions. Donc, on va entendre Bad Edges tout à l'heure, mais on commence avec No Not Now de Hot Hot Heat au 89.1 FM. FM. FM. Oh no, she's out of secret now. But nobody cares. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. We'll be right back. Don't worry now, don't worry now. Don't worry, cause it's all under control. Don't worry now, don't worry now. Don't worry, cause it's all under control. Don't worry now, don't worry now. Don't worry, cause it's all under control. Don't worry now, don't worry. Qu'on s'est fait plaisir. Ça faisait longtemps. Oui. Hey Mathieu, plein temps de cinéma. Ah oui, tu t'es embarqué. Bien normal. Hello. Salut, tu dis. Ça va bien. Oui, très bien, toi. Oui, super. On vient d'entendre Hot Hot Heat, François-Olivier Marchand. Non, non, non. Avec Ben c'était de Juice. Excellent. Et c'est précédé de No Not Now. Ça fait du bien. Des bonnes pièces à entendre le matin. Je suis convaincu. Convaincu pour pas mal tout le monde, je dirais. Ouais, Hot ouais. Hot Heat, c'est gagnant, ça. Oh, ouais, tout à fait. Personne ne peut se plaindre, là. Même si vous connaissez pas ça, c'est bon pareil, là. Hein? C'est on très accrocheur. C'est très accrocheur. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Dans une demi-heure environ, on va avoir Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Mm-hmm. On va aussi parler du carnaval dans quelques minutes tantôt. Hein? Oui, des résultats qui sont sortis d'ailleurs. Félicitations aux autres. Le classement est vraiment à jour sur leur site internet. Donc voilà, en fait, là, on va en parler un peu plus tard. On va dire aussi ce qui s'en vient aujourd'hui. Journée fort intéressante pour nous. pour nous, les détails tantôt. Pour vous aussi. Ben oui. C'est pas juste nous dans la vie, mais nous on est là et on en profite. Hein? C'est ça. Hey, ça arrive une fois par année, donc. C'est ça. On n'a pas à se sentir mal d'en profiter. C'est comme la dinde. C'est là pour ça. C'est là pour ça. C'est un petit peu comme les traités d'objets, mais bon, c'est. Non, non, mais. Ils sont là pour écoute, ça. Écoute, faut les encourager d'abord. Bravo! Bravo! Bravo! Tout à fait. Hey, on écoute Valès Parietta. Oh, d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. On en parle depuis quelques temps déjà de notre nouvelle image sonore, notre nouvel environnement et notre annonceur viril. Avec une voix soyeuse. Succulente. Succulente aussi. T'as goût de croquer. Tout à fait, souvent. souvent. Souvent. Mais saviez-vous que la musique d'Assemblage Requis au complet depuis quoi? L'automne 2009 est composée par Vanessa Parietter. Arrête, madame. Je te jure. Tabarouette. Et les nouveaux enrobages ont été créés à partir de... Tu me laisses-tu finir ou... Non. Non. Je vais ranger mes lunettes, ça va peut-être la fermer parce que ça va être subjugué par ma... Wow! Oh! D'accord. Donc, Vanessa Parietta a composé la chanson thème de l'émission et les nouveaux enrobages, les nouvelles identifications de l'émission sont aussi composés à partir de leur nouveau maxi qui se nomme Calicule et ours polaire que vous pouvez télécharger gratuitement sur vanessaparietta.com. Vanessaparietta.com. Donc, on va écouter la pièce Archipel de ses amis de Vanessa Parietta. Ça te va? Archipel. Remettez les notes. A-R-C-H-I-P-E-L, vraiment. Archipel. De qui? Hot Hot Heat. Ah, je démissionne. Pas de suite. Ok. C'est moi pas de seul. Ok. Je vais finir cette émission là, après ça on verra. Parfait. We'll be right back. fous dans vos oreilles. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage requis en pièces détachées. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage requis à CFO 89 FM. François? Mathieu. Tu sais que depuis hier, c'est le carnaval étudiant UQTR 2011 Copyright. Qui a commencé en force. Oui. Qui a commencé en force. Bonne participation, je pense. Bref, à la fin du carnaval, on pourrait peut-être faire un petit récapitulatif. De bizarre hier aussi, je trouve. Je suis pas capable de dire ce mot-là. Rélaquiputatif. OK. Rélaquiputatif. Moi qui disais récapitulatif. T'as tort. Désolé. Mais avec les organisateurs, pour voir, en fait, ça a été un succès. Ouais. En fait, c'est pas garanti. On va voir si ça va revenir l'année prochaine. Passe bien. Pas mal sûr. Avant d'en parler en détail, voici les activités de la journée. Voici votre programmation pour le carnaval étudiant pour ce mardi 25 janvier. Dès 9h, le bain de neige. 11h, schlack. 12h30, débrouille-toi. 15h, hockey des patriotes. 16h30, la course aux objets. 17h, concours de dessin. 18h30, installation des salons au 10-12. 21h, une joke, une bière. Et 23h, spectacle d'humour avec Kathleen Rouleau, Franck Grenier et Pierre Hébert. Pour connaître l'ensemble de la programmation et les lieux d'activité, veuillez consulter le cahier des participants au www.uqtr.ca/carnaval et syntoniser C'est fou durant les émissions quotidiennes. Merci beaucoup, homme de carnaval que tu es, Monsieur Carnaval, comme je l'appelle. il aurait fallu qu'il sonne un peu plus comme le bon enfant. Ça aurait été vraiment super, ça. Alors oui, pour le carnaval cette année. Hey, ouais. Oui, bon, en fait, on va parler un peu des résultats, parce que les résultats sont sur le site Internet. Ouais. Si vous voulez visiter la page, en fait, vraiment pas compliqué, uqtr.ca/carnaval, et vous allez dans l'onglet résultats. Mm-hmm. Donc, je vais vous nommer, en fait, les trois meneurs en termes de points des associations. Et on commence avec la troisième position. OK, je te laisse deviner, Mathieu. Ben, à moins que tu les as devant toi. Non, je les ai pas devant moi. OK, ben, clique pas. OK. Troisième association, d'après toi, quelle association est en troisième position? Je sais pas. Les gens qui vont enseigner, là, les futurs enseignants, là. Hein? Mais t'as pas tort. En fait, c'est pas des enseignants, mais c'est récréologie. Ah, en fait, tu vois. Souvent, ils peuvent travailler dans les écoles. Oui. Donc, en fait, ils sont troisième avec un grand total de 228 points. C'est ce que je voulais dire. Ah, bon, merveilleux. C'est ça. Ils ont scoré, en fait, des bons points dans la parade intemporelle. Ça, c'était la parade, en fait, là, qui lançait... C'était le matin, de 10h à midi. Ouais, c'est ça, exactement, qui lançait les festivités. Mm-hmm. Défi sculpté aussi. En fait, là, on va dire un peu les activités qu'il y avait hier. Ouais, ça, c'était le défi sculpture, c'était sur l'heure du midi. Après ça, il y avait l'extrême disque volant ultime. Tout à fait. Ça, c'est l'ultimate frisbee, finalement. Ouais. Ça, c'était de 2h à 4h. Prestation musicale, après ça, de 4 à 6. Dieu marché avait lieu en soirée. À partir de 19h30. Et c'est là, je pense qu'ils ont fait vraiment un très bon score, en fait, avec un score de 83. Donc, ça les a permis... ça a permis à Récréologie de se mettre en troisième position. Mm-hmm. Donc, deuxième position d'après toi. Deuxième position... C'est serré. Le deuxième premier, c'est quand même très serré. Oui. Je pense que c'est pas une association qu'on pense souvent, mais qui sont très présents souvent. OK. J'irai avec soit chiropodiatrie, quelque chose de genre. Non, biomed. C'était proche de la médecine, par exemple. Oh, oui, ben, oui. C'est ça que je voulais dire, finalement. Ben oui, c'est sûr. Là, oui. Donc, Récréo avait 228. Biomed, biologie médicale, en fait, a eu 242 points. Donc, voilà, en fait, je vous nommerai pas non plus les scores de chaque activité, mais ils ont scoré beaucoup de points dans la parade intemporelle. Donc, première position. Hey, t'as pas le choix, tu peux pas l'avoir. Je peux pas l'avoir? Non. Ah, ouais? Job? C'est ce que ta bouche avait l'air de me dire. Non. Non? Comme social, ça je veux dire. Comme social qui est en première position avec 247 points. Donc, on peut voir que le classement est quand même serré. Ça, je veux dire par job, comme d'ailleurs, n'auront pas. je blague. Comme social. Voyons. Je blague. Bon, donc voilà, en fait, on compte beaucoup d'associations parmi ceux-là. En fait, on compte administration qui On note quand même décevante. On ne scorait aucun point dans la parade intemporelle, donc il n'était pas présent. Voilà, en fait, le Kiro qui se maintient en fait au-dessus de la barre des 200. Et puis, il y a au-dessus de la barre des 200 toujours Psycho-Ed, Psycho-Éducation. Et puis, c'est tout. Est-ce que tu veux nous faire le engagement, bottom... enseignement secondaire aussi. Okay. Désolé. Le bottom 3. Le bottom 3 est tabarouette, OK. Ben, zéro médecine. OK. Sinon, vois-tu, ingénierie qui est très décevant. Oh, oh, oh, oh. Très, très, très décevant avec seulement 10 points. Ça me surprend vraiment beaucoup parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Et d'habitude, en fait, ils sont très présents d'ailleurs avec leur chaîne qu'on peut voir de loin, donc on les reconnaît. Participent souvent, mettons, à les jeux de génie, ces trucs-là. Donc, non, ça me surprend. Donc, ils doivent participer à d'autres choses en ce moment, c'est ça? Peut-être, en fait. Puis, on n'est pas au courant. Peut-être. Je sais pas. Mais en fait, un maigre 10 points, je peux même vous dire où c'est qu'ils ont scoré. Forcez-vous. Où à c'est qu'ils ont bien. Où c'est qu'ils ont fait? Oh, au extrême disque volant. Ah, ben quand même. Ils ont fait un maigre 10 points. Ben, félicitations. Quoi? Félicitations. Et puis, troisième. Oh, science infirmière. Qui aurait besoin peut-être d'aide, hein, Mathieu Plante? Ben, n'importe quoi. Non, ça va y aller vers le haut. On ne peut que monter à partir de là. Hein? Ouais. Ça peut être pire, tu sais. Ben, ça peut être pire, hein, mettons, mais. Et. Sciences infirmières ont eu 41 points et ils ont fait les 41 points dans le défi sculpture. D'accord. Bon, est-ce qu'on parle des activités un petit peu plus en détail de la journée d'aujourd'hui? Tiens. Allez. Allons-y. À 8h, dans 20 minutes à peu près, le Café Bélis commence au 10-12. Donc, oui. Lancez-vous là-dedans. Nous, on attend le bain de neige à 9h, après l'émission. C'est une tradition, tradition à chaque année. En fait, les associations sortent et puis s'amusent. Fait semblant qu'il fait pas froid, mais tout le monde sait qu'il fait très froid. C'est ça. C'est bien amusant de 9h à 10h. Après ça, c'est schlack de 11h à 12h30. Là, c'est le truc à la Canal Famille là, dans le temps. Ouais, c'est ce qu'ils nous parlaient là, la dernière fois qu'ils sont venus. Ensuite, débrouille-toi de 12h30 à 15h. Faut dire débrouille-toi. Hein? Oui, ça c'est sûr, c'est à l'ère des Patriotes. Le hockey des Patriotes, justement, suit de 15h à 16h30. Il y a une course aux objets à partir de 16h30 à la Chasse-Galerie. Ensuite, cours de dessin à 17h au Benjamin Sult. Après ça, tout au 10-12, installation des salons, jugement des salons. Ça, c'est les trucs où les gens doivent configurer un salon. Hein? Ouais, ils se mettent, c'est ça, exactement, dans 10-12, ils configurent un salon pour... Lampe, divan, etc. TV, sûrement qu'on va voir ça aussi. Là. Sûrement, peut-être des fausses avec le budget. Vente de hot-dog à 20h. Une joke, une bière à 21h, ça c'est toujours un succès. Une joke, une bière. Et un spectacle d'humoriste avec, entre autres, Pierre Hébert là-dedans. Oui. À 23h. Moi, sérieusement, c'est. Mais c'est Pierre Hébert. Le matin, là. Non. Ah oui. Pierre Hébert. Il est vraiment très drôle. Il est vraiment très drôle. Je le connais pas. Tu le connais pas? C'est un gars le soir. Faut que tu suives un gars le soir avec Jean-François Mercier à la télé. OK. Entre autres, là, mais il a participé à d'autres affaires, évidemment, mais en ce moment, c'est pas mal ça. Vrac la vie, à Vrac TV, où j'ai un enfant de 12 ans, genre, mais quand même. mais pour avoir écouté un gars le soir avec Jean-François Mercier. Souvent, en fait, c'est pas les mêmes gens. Non, c'est ça, il y a une roulade. Mais lui, il est là souvent? Oui, ben, c'est un des nobody là, qui est assez utilisé, je dirais, à chaque semaine, pas mal. Mais tu sais, c'est comme une chronique par semaine ou deux. Là, fait que, okay. Ça se peut que tu sois tombé sur la mauvaise émission. Mais très, très drôle, ce Pierre Hébert. Et les autres humoristes aussi, j'en suis convaincu. Donc ça, c'est ce soir à 23h jusqu'à minuit au 10-12 de Lecutre. Lecutre. Voilà. Merveilleux. Une belle journée. Mais oui, certainement. Ça va être fort occupé, d'ailleurs. Quand ça commence par un banc de neige et que ça finit par Pierre Hébert. Ça fait des grosses journées. Je sais pas si vont à leur cours. Hein? Je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Et puis hier, il y avait un gros spectacle ici au Dizzo aussi. C'était Dance. Et puis Delta 20. C'est ça. Donc, en fait, là, je sais pas. Il est trop de bonheur aussi pour avoir des comebacks de ça. Mais d'après moi, ça a dû quand même bien fonctionner, là. Ouais, j'imagine bien. Voilà pour le carnaval, on en parlera évidemment tout le long de la semaine. Hein? On va pas passer à côté, jamais. Jamais. C'est notre vie en ce moment, le carnaval, François. Non, c'est plaisant, ça fait de l'activité sur le campus. Tout à fait. Et puis, ça fait profiter de l'hiver. Faut bien qu'il y ait quelque chose de bien dans cet hiver-là. Il fait froid. Ça sera le fun. On écoute Dead Cab for Cutie à Assemblage Requis au 89.fm. Et puis après ça, plus de contenu, plus de fun. Hein? J'ai pas le droit de dire ça, plus de fun. C'est copyright. Dead Cab for Cutie, voici Crooked Teeth. It was 100 degrees as we sat beneath a willow tree whose tears didn't care. They just hung in the air and refused to fall, to fall. And I knew I'd made a horrible call. And now the state line felt like the Berlin Wall. And there was no doubt about which side I was on. From the stars. Cause you can't find nothing at all. If there was nothing there all along. No, you can't find nothing at all. If there was nothing there all along. I braved treacherous streets and kids strung out on homemade speed, and we shared a bed in which I could not sleep at all. Cause at night the sun in retreat made the skyline look like crooked teeth in the mouth of a man who was devouring us both. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. L'embarras du choix, c'est fini. C'est lui qui t'a choisi. Sur ton front, il vient d'écrire qu'il est faux ton sourire. Jamais qu'il nous soumet, mais que c'est là qu'il se promène. Johnny Malaise sur ton chemin cassant le tien. Une main moite tu lui tends, il lui crache dedans. Par la pire insulte il te frappe, pour que ton petit cœur dérape. Jamais bien où tu mets les pieds, c'est là qu'il se promène. Johnny Malaise sur ton chemin cassant le sien. Attention, cœur fragile. pas d'amis. Mais il est heureux ainsi. Attention au cœur fragile. Johnny Malaise de Jérôme Dupuis-Cloutier, Assemblage requis au 89 FM, c'est fou. Avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, évidemment, quand même. Et Mathieu Plante. Il faut le dire, sinon les gens savent pas, puis là, ils se disent, mais c'est qui ces gars-là, là? Ben, c'est nous autres. C'est nous autres. Désolé. C'est tout. Désolé. Il n'y a rien d'autre à dire. Et... on va partir ensemble notre dactylo pour faire quelques fesses. Attendu? Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Wing. Wing. Le son varie une fois de temps en temps. Chouing, ding, ding, ding, ding, ding. Ah, c'est chic. Commençons avec un fait qui va t'intéresser, François. Tu connais la danse, le merengue? Le merengue? Le merengue, c'est du brassage de hanches. Oh oui, c'est exactement. Tu connais ça? Ça va, ça. Donc, ça a pris son nom à un endroit, ça, tu te le demandes depuis toujours, mais d'où est-ce que ça vient, merengue? Ouais. Ben, ça vient du mouvement que tu utilises pour faire de la meringue. Okay. Vraiment, c'est le mouvement de fouettage. Parce que sinon, sans mélanger tout ça, la meringue, ce n'est rien de plus que des blancs d'œufs, hein, du sucre et de la crème de tartare, qu'on dit. Je connais absolument rien à ça, mais apparemment, c'est ça. Mais c'est bon, la meringue. C'est bon, la meringue. Oui, oui, oui. C'est-tu comme citronné un peu, ça me semble? Ben, tu peux l'assaisonner. Je connais rien à ça. Bon. Tu connais le Dr House à la télé? Oui, mais j'écoute pas. Je sais pas si c'est en lien ou... Ben c'est bon, en tout cas, mais ça n'a pas rapport avec connaître l'émission tant que ça. Mais c'est basé sur Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. C'est comme, tu vois, il y a comme un L, puis là, ça fait comme Holmes. Non seulement ça, mais Holmes lui-même a été inspiré par un vrai docteur avant ça. Donc, le créateur de l'émission House, David Shore, a dit en 2005 qu'aussitôt, il y a quelqu'un dit casse-tête, genre un puzzle, et brilliant deduction... Dans la même phrase, on ne peut pas s'empêcher de penser à Sherlock Holmes et à son sidekick, son collègue, Dr. Watson. Et même chose, donc, dans l'émission, Dr. House et puis sa compagnonne, là, Dr. Wilson. Wilson, Watson, etc. Donc, c'est le même genre de principe, si on veut. C'est donc une inspiration tout à fait véritable. Et puis, ça dit qu'est-ce que... Ah oui, ça dit que House, ça sonne comme maison, tu sais, House. Ouais. Hein? Et puis, Holmes, si tu enlèves le L, ça fait comme maison aussi, tu sais. Oh. Le lien, là. Ah, ben, je ne savais pas ça. Tu connais Mel Blanc, le créateur de Bugs Bunny et d'autres personnages comme ça? Oui. Créateur de dessins animés. Il est tombé dans le coma à un moment donné et les docteurs ont seulement pu lui parler dans les voix de ses personnages. Selon un article dans le LA Times, en 1961, Blank était dans un coma au UCLA Medical Center après un accident de voiture qui lui a presque enlevé la vie. À chaque jour, pendant que Mel était inconscient, son docteur essayait de lui faire dire des mots, en fond, de le faire parler. Okay. Et Mel ne répondait pas. Donc, un jour, le docteur a eu l'idée, à la place de parler à Mel dans sa voix normale, il demandait « Hey, Bugs Bunny, comment ça va? » Puis là, ben, Mel répondait dans le personnage, comme « Ça va très bien, docteur, et vous? » Et puis après ça, il a demandé des questions à Porky Pig, et puis ben, il a répondu en tant que Porky Pig. Il est resté dans le coma pendant 3 semaines, et après ça, il s'est réveillé, et puis il est retourné travailler, comme à normal. Ah! Eh ben... Il était dans son travail assez intensément, lui, peut-être. On sait pas. Un peu trop. Un petit peu trop. Prochain fait dans ma chronique, c'est un fait. On avait parlé l'autre jour d'une ville avec un nom très, très long. Tu te rappelles? Wow, on avait ouais, écouté une petite vidéo pour comprendre. Bon, il y a une autre chose qui est très, très longue dans la vie. C'est un lac qui a 45 lettres. C'est le Chargogagogmanchogagogchobunagunamaug. C'est le plus long nom d'endroit aux États-Unis. Tu sais, des fois, tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est un nom indien. Apparemment. Okay. Donc, c'est un lac qui est situé dans le Massachusetts. C'est un mot Nipmuc Indian qui veut dire English Knife Men and Nipmuc Indians at the boundary of a neutral fishing place. Moi non plus, je comprends. Le nom du lac est tellement difficile à écrire et à comprendre que plusieurs pancartes, cartes postales et même des choses qui disent genre bienvenue à tel endroit et que le nom du lac dessus sont mal appelés. sont mal impliqués dans, tu sais, je veux dire, fais attention au pire quand tu sais qu'il est long et qu'il est là comme faux, là. Mais bon. Plusieurs personnes l'appellent le lac Webster à cause de la ville, dans le fond, où c'est situé. Mais quand même, la ville est très, très fière de son lac. Et en 1949, l'État avait proposé d'enlever deux des 15 G de la ville, parce qu'il y a vraiment beaucoup de G, pas de la ville, du lac. Mais les gens ont fait, comment dire, sont battus contre ça, là. Ont protesté. Protester, si on veut. Ce qui a inspiré un poète local, Bertha A. Jocelyn, qui a écrit un poème de 55 lignes qui s'appelle « Ne touchez pas au G de notre lac ». Ah, est-ce que tu veux le lire? Le poème, je l'ai pas. J'ai juste le nom du lac et déjà ça prend toute ma page, donc je vais fermer l'onglet tout de suite. Faire des manèges, aller dans un, comment t'appelles ça, un roller coaster, là, un genre de manège. Là. Ouais, c'est ça, un manège qui va très très vite. Bref, ça peut temporairement arrêter l'asthme. Ah ouais? Apparemment. La peur? Non, pas exactement la peur. Donc, si tu penses qu'une personne asthmatique irait jamais dans un manège comme ça parce que ce serait trop stressant et ça l'empêcherait encore plus de respirer, mais en fin de compte, non, ça peut aider au problème de respiration. Une étude récente, a montré que la dyspnéa des sujets, ou en tout cas la difficulté de respirer, était plus élevée avant de monter sur le manège qu'immédiatement après. Ce qui suggère que les personnes asthmatiques interprètent leur dyspnéa en pensant à leur état émotionnel. Donc, ça va ce que ça va causer, c'est que ça va, ils vont surestimer ou sous-estimer les effets que ça va avoir dépendant du niveau d'émotion positive ou négative. Donc, peut-être que pendant que le manège arrive, c'est tellement de plaisir que ça vient annuler. Je sais pas trop quoi. Ah. Ça vient virer à l'envers. T'aimes ça, toi, Mathieu, les manèges? Les manèges, ça me rend malade complètement. Ah ouais, pour vrai? Ah, ben, tu vomis? Je passe proche de vomir. Même. OK. Non, je vomis pas, par exemple. Okay. Mais je m'est arrivé de vomir. Encore. OK. Pour ça. Mais là, on parle, mettons, le monstre à la ronde ou ce truc-là. Pas les trucs qui tournent en rond. Même les affaires qui tournent en rond. Toutes ces affaires-là. Puis même. Autotamponneuse. Autotamponneuse, non, ça va. La grande roue, ça peut aller. Si je regarde pas trop en bas. Non, je dirais que c'est pas juste tourner. Ça peut être descendre vite, tourner, virevolter, n'importe quoi. Ça me va pas du tout. Non. Tu connais Mila Kunis, l'actrice. Dans That 70s Show. Elle est dans le film Le Signe Noir, le Black Swan, avec Natalie Portman en ce moment. Non. Pas vu les annonces de ça? Non. Bref, Mila Kunis, pour ceux qui la connaissent, a perdu du poids pour son rôle dans Black Swan. Elle était à 98 livres. T'as pas vrai, c'est pas beaucoup. Ouais, c'était un régime d'exercice et de diète dangereux pendant qu'elle filmait le film. Ça l'a fait perdre 20 livres environ. Donc quand même, c'est pas une fille énorme hein, en temps normal, 120 livres environ. C'était tellement extrême que sa mère était vraiment très, très stressée pour elle. Selon Kunis, elle disait qu'elle était super belle dans le film, mais elle détestait de quoi elle avait l'air dans le miroir et se trouvait comme qu'elle avait pas de forme, pas de seins, pas de fesses. Tout ce qu'on voyait, c'était ses os. Elle trouvait ça dégueulasse. Eh bien, 90 livres pour un film. Bon. Ensuite de ça, une statue des Oscars parle de cinéma. Sais-tu combien ça pèse? Non. 8,5 livres. Non, ouais. 8,5 livres. Quand même, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Je veux dire, c'est plus lourd qu'un portable. Mettons, c'est le seul barème que j'ai. Pour... le fondateur de Red Lobster, William Darden, a ouvert son premier restaurant en 1938. Ça s'appelait The Green Frog. The Green Frog. La grenouille verte. Red Lobster, c'est pas mal plus vendeur, je trouve. Oh oui, je pense que oui. Pas mal plus. Ce soir, c'est l'État de l'Union aux États-Unis avec Barack Obama. C'est quoi? L'État de l'Union, tu sais, où il doit parler devant plein de gens pour dire comment que ça va au pays, là. OK. Tu sais, State of the Union, tu connais ça. Bref, la plus longue qui a jamais eu lieu, State of the Union, c'est Truman en 1946 avec plus de 25 000 mots. Et la plus courte, le plus court discours de l'État de l'Union, Washington. Le gars, le président. En 1790, avec 833 mots, il était reconnu pour pas parler beaucoup, ça, là, Washington. 833 versus 25 000, là. Quand même une grosse différence. Petite différence. Tu connais Edwin Aldrin, le gars qu'on appelle Buzz Aldrin, l'astronaute? Ouais. D'Apollo 11. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Buzz, tu penses, alors que son nom, c'est Edwin Aldrin? Je sais pas, ça a-t-il rapport avec Buzz Lightyear? Ah, peut-être, ou peut-être plus Buzz Lightyear qui a rapport avec ça, je pense. Ouais. Mais non, c'est parce que sa plus jeune sœur prononçait mal le nom Brother quand elle parlait de lui, quand elle parlait de son frère. Brother, Buzzer, Buzzer, Buzz, Buzzer. Ok, Buzz, ok. Tu sais, Buzz. Quand même pas pire. J'aime ça. Deux petits derniers. Tiens, une femme est devenue paralysée parce qu'elle avait, comment t'appelles ça, une sucette sur son cou quand elle s'était fait... embrasser dans le cou. Ouais, comment on appelle ça en français? Une sucette. Sucette, c'est ça? Sucette, d'accord. C'est le bon terme. Mais tu peux devenir paralysé? Ben, paralysé. Je t'explique. C'est une fille de 44 ans de la Nouvelle-Zélande qui est allée à l'urgence après que son hôpital local l'est renvoyé là-bas. Dans le fond, il avait perdu le mouvement de son bras gauche en regardant la télé. Alors, les docteurs ont dit que la perte de mouvement avait été causée par une attaque, mais ils ne savaient pas trop comment ça se fait. Après ça, ils ont remarqué sa sucette dans son cou. On a appris que plusieurs jours auparavant, ça avait causé un caillot de sang dans l'artère directement en dessous de la peau de la fille. Hein? Après ça, le caillot s'est délogé, a voyagé jusqu'à son cœur, ce qui a causé une attaque. La femme, éventuellement, s'en est remise complètement. Non. Je te jure. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. C'est bien hallucinant, ça. Un hickey, qu'ils appellent. Une sucette. C'est comment en anglais? Hickey. Comment t'écris ça? H-I-C-K-E-Y. Ah! Oh. Eh ben. Bref, c'est ça, le caillot de sang jusqu'à son cœur, attaque, après ça, elle s'en est remise, et puis après avoir repris des anticoagulants, des diluants à sang, si on veut. Il nous en reste un dernier. On nous parle de gens qui se battent dans des bars. Et savais-tu que quand tu te bats dans un bar, hein, quand tu te battras la prochaine fois dans un bar avec des bouteilles de bière? Moi, la prochaine fois, je me bats dans un bar. Là, je me donne des tapes d'en face. Là. Ah ouais. J'essaie de faire peur au gars. C'est ma technique. Ben, j'adore ça. Apparemment, c'est plus efficace d'utiliser une bouteille de bière intacte en tant qu'arme à la place d'essayer de la briser comme on le fait dans les films. Exactement. Et s'en servir comme un couteau. En fait, les bouteilles sont beaucoup plus dures à briser qu'on pourrait le penser. Ça prend un impact de 40 joules. 40 joules, disons ça comme ça, pour briser une bouteille de bière vide. Ça prend beaucoup moins d'énergie pour fracturer un crâne humain que pour briser une bouteille. Donc, une bouteille de bière pourrait être utilisée pour fracturer un crâne sans même casser. Et assez étrangement, on nous dit qu'une bouteille de bière va éclater avec seulement 30 joules d'impact appliqué dessus. Ce qui veut dire que la meilleure façon d'utiliser une bouteille de bière dans une bataille est de finir la bière, la boire, et utiliser la bouteille pour juste frapper la personne avec. Ouais, ou aucune de ses réponses. Oui, aussi. Si vous pouvez éviter de vous battre tout simplement dans un bar, faites-le. Faites-le. C'est la morale. Ta-ta-ta-ta. C'est un petit oiseau qui vole puis qui dit c'est le conseil de la journée. Ah non, mais pour vrai, moi, en tout cas, des fois, là, en tout cas, je n'aimerais pas personne non plus, là, mais je connais des gens là, qui, en fait, là, je pense que c'était pas mal leur trip. Là, une fois qu'ils étaient un peu sous, de chercher un peu la bataille, là. En fait, c'est très déplaisant. Donc, ouais. Les gens derrière l'étude dont je vous parlais là, pour les bouteilles de bière, ils sont venus à la conclusion, à cette conclusion-là, c'était au 2009, les prix Ig Nobel, les Ig Nobel Prizes. Dans le fond, c'est donné à chaque année à des avancées scientifiques inhabituelles ou encore pas super utiles, peut-être. D'ailleurs, il y a une vidéo dans l'article que j'ai postée sur assemblagerequis.com de gens qui essaient de casser des bouteilles de bière. Et on dit de ne pas essayer à la maison. Allez voir assemblagerequis.com pour les liens de la chronique. C'est un fait d'aujourd'hui et toutes les autres chroniques et tous les autres liens d'Assemblage Requis. C'est assemblagerequis.com. Point com. Nous, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Il y en a une deuxième qui s'en vient dans quelques minutes à peine. François, tu savais ça? Oui. Je t'apprends. Je m'en doutais, en fait. Ben j'espère. Aussi. Ah, lave-la la musique! Lave-la! deuxième heure avec Émilie Gauthier qui s'en vient dans quelques secondes. Avec sa chronique plein air. Yay! T'as l'air excité. Ben oui, ça va être plaisant. Tout le temps agréable. Ben oui, on parle d'endroits où sortir. Moi, je suis un gars qui va écouter ça et qui va tout faire pour ne pas sortir. Pour éviter ces endroits. Ah voilà, voilà. Reste avec nous, l'info qu'on peut s'en venir. C'est fou. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage Requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mardi 25 janvier. Ça, c'est vrai. Ben oui, mais là, à un moment donné, hein. Fini les blagues, il faut dire la vérité. Oui, assez de cocasseries. De cocasseries. Même si là, les gens sont heureux et puis ils sourient. Oh! Parce qu'Emilie a eu des souris. Ah non. Tu veux pas qu'on en parle. Youpi! Youpi! Souris, Emilie. Souris, c'est un jeu de mots. C'est pas drôle. Je sais. Voici Emilie Gauthier, veux-tu sortir avec moi? Ah, Émilie Gauthier. Allô. Bonjour, bonjour. Allô. C'est comme une souris frais. Comme... Allô. C'est pas gentil, Mathieu. Non, je m'excuse. T'imagines pas les troubles que ça fait en plus. Ben non, je sais. J'ai eu des puces récemment. Donc oui, on se comprend. Oui, ah. Je sais. Ben c'est ça. Tu peux rire de moi si tu veux. Hein? Toi, t'as eu des puces. Pas moi. Là. Ah, okay. Non, quand même pas. C'est que je me demande. C'est bien le PC. Hein? C'est bien de le préciser. C'est, ben oui, tout à fait. Sinon, je serais pas ici, je voudrais pas vous contaminer. Non, non, quand même. Donc, Émilie Gauthier qui est là avec nous chaque mardi pour parler de plein air. Et là, on parle encore une fois d'endroits où aller, finalement, des différents endroits. C'est comme un mélange. Oui. Comme, c'est comme un plateau de fromage. D'échantillons de différentes sortes de fromages. Plein de fromages. Avec des souris, hein? Je te conseillerais plus rien, Mathieu. Non, ça va. Ça me fait de la peine. Non, non, non, non, continue. Okay, continue. Bon. Confie-moi, par exemple, confie-moi, attends, j'ai plus mon lien. C'est quoi le premier déjà? Je vais juste commencer par dire, dans le fond, pour côté raquette cette année, je vais comme y aller par groupe. Fait que quand je vais dire, là, je vais me répéter en disant qu'aujourd'hui, mes lieux, c'est 30-45 minutes, là. Mm-hmm. Mais je vais y aller comme plus par comme secteur. Tu sais, comme tant qu'à se déplacer dans un coin, qu'est-ce qu'il y a à aller voir, là? OK, OK. Parfait. C'est une bonne idée. Sinon, ben, y en a qui vont être un peu perdus tout seuls. Eux autres, ils vont faire une chronique de tout seuls. Des rejets, si on veut. Ouais. Mais regroupés ensemble. Oui. C'est comme des amis rejets. Mais on les aime quand même. Mais on les aime quand même. C'est ça. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, je peux comprendre. Je suis en DT1. Hein? Vous autres, non? Non? C'est pas eu facile. Vu. OK. C'est bon. On se comprend. Donc, premier endroit, c'est le parc des chutes Saint-Ursule. Oui, c'est un parc, dans le fond, qui est très beau à aller voir pour ses chutes et ses cascades. Il y a des vestiges de fondation parce que ça a été une zone industrielle autrefois. Donc, il y a des vestiges des usines là-bas et un ancien moulin à scie. C'est 3 km de piste pour la marche, la raquette. Puis tout le territoire est accessible pour la raquette hors piste. Mais tu parlais, il y a des usines quoi? Des désaffectées? Des vestiges. OK. Des ruines. Ça peut être beau, ça peut être la fun à voir. Je sais pas si on peut l'approcher, je sais pas si on peut rentrer dedans. Allez-y et parlez-moi-en. Parce bon. Que j'ai pas le temps de toutes les faire. On va envoyer Mathieu Plante en reconnaissance. Parfait, j'aime ça. À moins 30, là. Je sais pas si je vais revenir. Il va aller se cacher dans les vestiges. Ouais. Je vais m'en aller. Bon. Ça, c'est situé à peu près 35-40 minutes de l'université. C'est ouvert de 9h30 jusqu'au coucher du soleil. C'est 5,50$ par adulte ou 3,50$ par étudiant. On peut se rendre au www.chute.ste. Non, pas point, tiret, hein? chute-ste-ursule.com. Les autres non plus, ils l'ont pas facile avec cette adresse-là. Faut la lire et la décrire. Ça, c'est dans le coin de Shawinigan. Est-ce que je me trompe? Dans ce coin-là, non, mais... Non, c'est plus dans le coin de... De l'auberge du Belchon, puis Saint-Paul. Ouais, OK. Un peu plus dans ce coin-là. Okay. Entre les deux, à peu près. D'accord. Bon. Non, mais... On parle maintenant de l'auberge Lac à l'Eau-Claire. Oui. Il y a 3 petits ponts qui donnent accès à 3 sentiers, donc on a quand même le choix. C'est 3 sentiers pour marcheurs et raquetteurs qui vont totaliser 11 km. Il y a trois petits ponts, 3 petits chemins, 3 petits bols de gruots et 3 petits oursons. Qui mange les bols de gruots? Des souris. Bon. Non, dans le conte, là. Okay. Ah, boucle d'or. Oui! C'est pas moi, ça. OK. Bon. Beaucoup encore une rivière, beaucoup de chutes le long des parcours. C'est ouvert de mars à décembre, du lever au coucher du soleil. Donc là, c'est fermé. OK. Non, mais je sais pas. J'ai-tu dit mars à décembre? Ben, c'est ce que tu viens de dire. Décembre à mars. Ah, OK. Ah. Donc là, c'est ouvert. Oui, oui. Ça a plus de sens. C'est ouvert pendant l'hiver. Je comprenais pas pourquoi tu nous en parlais. Habituellement, quand ils disent décembre à mars comme ça, c'est tant qu'il y a de la neige. Oui. C'est juste pour pas donner de date. Les stations de ski donnent des dates, là, mais eux, c'est quand même... Ouais. Tant que t'as le goût de mettre tes raquettes dans la neige, vas-y. Lever au coucher du soleil, c'est environ, c'est ça, 45 minutes de l'université. C'est quand même 20$ pour accéder au site. Hey! Mais il y a quand même d'autres activités. Là, un coup qu'on paye le 20$, on peut quand même se promener sur le site. On peut se rendre au www.lacalloclaire.com pour plus d'informations. Tu vois pas de trait d'union là-dedans? Ça, c'est une adresse. Faudrait que je t'envoie de quoi pour ta chronique. C'est un fil, là. Ah oui? L'adresse, là, elle fait à peu près 2 lignes, mais c'est pas genre... En tout cas, c'était quelque chose. Une adresse de... C'est une adresse gouvernementale, mais tu sais, il n'y avait pas de slash patente, là. C'était juste l'adresse point ça, point, point, en tout cas. OK, une adresse de site internet. OK, oui. Je vais essayer de retrouver ça, puis je t'envoie ça, c'était très drôle. Parfait. Pendant que là, on parle de l'auberge Le Baluchon. Oui, si vous avez la chance d'y aller un moment donné, juste pour la beauté du paysage, c'est vraiment beau. J'ai la chance que mon bal de finissant soit là, donc je suis vraiment contente. Wow. C'est vraiment un grand site qui va avoir un relief plein de vallons. Fait que juste côté vue, c'est vraiment beau. Il y a des cascades, des chutes, des rivières, plusieurs types de peuplements forestiers aussi. Fait que ça donne vraiment toutes sortes de vues, autant été qu'hiver. Il y a des bâtiments à visiter comme la chapelle, le moulin à vent, il y a une écurie, il y a plein de trucs. C'est en tout, il y a 21,5 km pour les raquettes, 33 pour les marcheurs et 19,8 pour les deux. Fait qu'en tout, là, je pense qu'on a quand même... Tu fais pas le tour de tout. Tu fais pas le tour une journée, non. Il y a 4 sentiers débutants, 2 sentiers avancés là, pour les deux. Là, fait que... Toujours en raquette, ça? Ben, dans le fond, t'as 21,5 pour les raquetteurs. Fait que okay. À pied, ça va pas très bien. 33 pour les marcheurs, ça veut dire que c'est un peu trop tapé pour y aller en raquette. Tu peux y aller quand même, mais ça vaut peut-être pas la peine. Puis le 19,8 pour les deux. Donc, c'est comme... Tu peux y aller en raquette parce que c'est pas tapé dur comme de la glace, mais tu peux y aller à pied aussi. Mais tu cales pas non plus. Avec une bonne paire de bottes, t'es correct okay. aussi. Fait que c'est ce 19,8-là qui a 4 sentiers débutants puis 2 sentiers avancés. Okay. Avancés, quand tu parles de sentiers avancés, là, tu parles des côtes, j'imagine? Ça doit... Ouais. Ouais. La personne qui fait une bonne qui se promène dans les rues chez eux à pied, c'est peut-être pas là qu'elle commence si elle veut aller okay, un okay. peu plus dans le bois. Là. Parce que ça monte, ça descend, c'est ça. Un peu plus... Des fois, c'est des sentiers plus longs aussi. Là. C'est des fois, c'est des 11-12 km. Tu fais pour ça comme première marche. Okay, ouais. Le monde, habituellement, ils savent quand ils sont de niveau avancé. J'aurais peut-être intermédiaire, mais je suis même pas avancé. Puis ça fait quand même un petit bout, je fais de la randonnée. Fait que je pense que des personnes sont au courant. Mais tu serais capable. Ah oui, tu peux le faire, sauf que tu vas peut-être revirer à moitié chemin parce que tu es fatigué aussi ou des trucs comme ça. Mais en même temps, avancer d'une place à l'autre, une personne qui dit j'ai un sentier avancé, puis moi je dis ma piste à moi là, dans ma course, c'est un sentier avancé, toi tu peux dire la même chose, puis que finalement toi ça se retrouve être un intermédiaire et moi un débutant. Ça dépend du jugement de chacun. Fait que allez vous informer aussi le sentier, y a-tu beaucoup de dénivelé dedans, y est-tu long. Avant de s'embarquer dans un sentier, on essaie de s'informer c'est quoi, là, si tu as un 2 km ou un 12 km. C'est le best. Eux autres, ils ont les informations, en fait. Oui, oui. Sinon, sur les sites Internet, il y a toute la carte des sentiers. Okay. Là, puis tu peux appeler, puis tu peux aussi te rendre directement là-bas. Habituellement, ils ont une carte avec leur sentier. Okay. Lui, c'est baluchon.com. Oui, juste baluchon.com. Facile! Facile, on aime ça. C'est ouvert jusqu'au mois de mars, donc tant qu'il y a de la neige. De 9h à 17h, c'est 9,95 $ pour accéder aux pistes. Puis c'est environ 45 minutes encore. Mais c'est-tu moi, en fait, où je trouve ça quand même cher juste pour aller faire de la raquette? Je sais pas, est-ce que c'est logique? Parce que dans le sens que, exemple que si tu charges pas, tu peux faire des profits, mettons, avec la vente de chocolat chaud ou tu sais, de café. Obliger les gens d'acheter des produits, comme certains autres ont fait dans tes chroniques. Ouais. Tu devais acheter quelque chose pour pouvoir aller au... Le labyrinthe de la forêt perdue, là. Mm-hmm. Ouais. Ouais, mais ça encore là, c'est ça, tu sors, tu sais, avec quelque chose. Ouais. Alors que moi, de mon côté, il faudrait qu'ils me donnent du, mettons, sucre à crème. Mais peut-être que je passerais y aller. Puis encore là, mettons, tu sais, quand tu parles du patin, c'est une glace, c'est des embonnies, mais tu sais, un sentier, une pile. Ben encore là, mettons une auberge, là, habituellement, oui, ils vont avoir un petit resto pour ceux-là, OK. Mais il y en a beaucoup, là, que... Le petit sentier, y a pas de petite cabane au bout qui te vend du chocolat chaud, que faut que tu apportes tes propres choses toi-même. Puis souvent, oui, peut-être pour la raquette, ça demande pas d'entretien, mais pour les marcheurs, ça demande quand même de l'entretien. Il y a quand même des personnes qui sont là au cas où que tu te fasses mal. La sécurité. Okay, okay, wow. En dehors des heures, la plupart des places, tu peux te rendre en dehors des heures d'ouverture. Okay. Sans payer, mais c'est côté sécurité, puis tu tombes dans le noirceur, tout ça. C'est de lampe frontale, c'est pas évident. Ben, l'hiver, non. Ben, ça dépend, là. Ça dépend de ta lampe frontale. Mais je pense que c'est juste, dans le fond, pour... question de sécurité, s'encadrer, savoir, mettons, qui est dans les sentiers aussi. Puis, gars, si tu veux t'informer, là, pour savoir si ta piste est combien de kilomètres, tout ça, faut quand même qu'il y ait une petite personne à réception qui soit payée à quelque part, qu'il y ait deux personnes ou 50 qui viennent dans la journée, il faut qu'ils payent quand même s'il y a deux personnes. Fait que... S'il n'y a pas tant de monde que ça qui viennent en général à cette place-là, peut-être qu'il faut qu'ils chargent plus cher pour compenser pour le fait qu'il y a moins de monde qui viennent. Peut-être, je sais pas. Faudrait les appeler et dire pourquoi tu payes. Pourquoi? Tu fais payer 9,95 $, mais sur Il me semble que tu me crasses. Là, on fait ça live. Ah oui. OK, attention. Mais pour des sites comme l'Auberge du Bachon, c'est parce que tu as accès à tellement plein de bâtisses aussi, tu as des visites guidées, et plus l'été. Mais je pense que c'est pas juste pour la raquette. Sinon, tu sais, le parc des chutes, c'est quand même juste 3,50 $. disent pour l'entretien. Pour ah, c'est ça. 3,50, je trouve ça raisonnable. Ouais. Mais tu sais, quand on parle de mettons, 10$ pour aller faire la raquette dans le bois. 20 pour l'autre tantôt. Tu sais, souvent, tu y vas pas tout seul non plus. Ah, en tout cas. Ça dépend des besoins, ça dépend si... Mais je comprends ton point de vue, par exemple, des responsables, faut que tu payes, puis l'entretien, j'avoue que... Il y a quand même du staff que... à payer, là. Oh, okay, ouais. Bon. Puis tu payes pour te sentir en sécurité toi-même. Oh, ouais, c'est ça. Tu te sens mieux. Oh, ouais. Ouais. Bon. Il nous reste un dernier endroit où faire de la raquette, c'est Auberge du Lac Castor. Et là, c'est pas Auberge, c'est Auberge. Oui, j'ai comme catché A-U-X. A-U-X. C'est comme un jeu de mots. Berge. Ouais. Avec un S. Ouais, mais ça veut comme dire deux choses en même temps. C'est drôle. Hein? C'est comme du beurre de cacahuète et du chocolat ensemble. Comme un Reese's. OK. Avec un petit peu de. Un petit cop de papier. Là, tu l'ouvres, là, tu fais comme. Nom, nom, nom, nom. Mais tu aimes beaucoup les choses sucrées. Ouais. Non, pas du tout. Je sais pas de quoi tu parles. Bon, donc, Auberge de la Castor, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est où ça? C'est où ça? Ben, c'est pas mal dans ce coin-là, je te dirais. Là. Sur une carte, là, je te dirais qu'ils sont pas mal un par dessus l'autre. Ah. Voilà. Okay. Pas mal dans le même coin. Il y a une grande partie des les arbres sur le territoire qui ont quelques centaines d'années. Donc, je pense que juste pour voir ça, il y en a de moins en moins avec les coupes d'arbres pour construire des maisons. Moi, je trouve ça beau, des grands arbres. Oui. Voilà. Il y a aussi une forêt en régénération, des arbres rongés par les castors, griffés par des ours. Il y a même une zone de frottage pour les chevreuils. What? Je sais pas trop si c'était. What? Mathieu va aller là. Ouais. Il a de l'air complètement intéressé. Je pense pour leur bois ou quelque chose, faudrait qu'on invite des gens de bioéco ou quelque chose pour nous expliquer le principe de frottage des cerfs. Peut-être que ça pourrait leur donner des points pour le carnaval. Pense-y, François. Peut-être pas. Peut-être pas. Il y a des rivières, il y a deux belvédères, il y a des passerelles. Ça donne 30 km, 30 km pour les raquettes et hors-piste, qui est disponible aussi. Et il y a 34 km pour la marche et la raquette. Donc, c'est environ 45 minutes de l'université. C'est ouvert tout l'hiver. C'est ça qui est écrit. Donc, tant qu'il va y avoir de la neige. Lever au coucher du soleil, c'est 5$ pour accéder au site. Et on peut aller au www.laccastor.com pour s'informer. Merveilleux. Alors, on va terminer ta chronique en parlant un petit peu des portes ouvertes à l'école d'agriculture de Nicolet. Ça a lieu les 4 et 5 février. Ça s'en vient. La, la, la, la, la, la. Ça s'en vient. Je vous en reparle une dernière fois la semaine prochaine. Après ça, je vous en parle. Bon. Après ça, c'est fini. Enfin. Après ça, vous allez être tannés. Non. J'en avais parlé vite la semaine passée, je vais encore y aller rapidement. 4 et 5 février, les portes ouvertes de l'école d'agriculture de Nicolet. Les serres vont être remplies, les élèves travaillent vraiment fort sur leur projet d'aménagement, sur leur projet de plantes. Sur place, il va y avoir des démonstrations, des stands d'information, des rencontres avec les élèves, des enseignants, le salon de l'emploi agricole et horticole, une visite des installations et une mini-ferme. Je sais pas si Une mini-ferme! Je sais pas si il va y avoir des serres qui vont se frotter. Je sais pas, hein? Pense pas. Ça doit pas être légal pour les portes ouvertes. Je sais pas. Voir des vaches. Je sais pas. Je sais que voir des vaches. C'est tout. Bon. C'est ouvert de 10 à 16 heures ces deux journées-là. On peut se rendre puis visiter les projets gratuitement. On peut aller au www.ean.csriveraine.qc.ca ou appeler au 819 293-5821 poste 2364. Évidemment, tout ça, c'est sur l'assemblagerequis.com. Si vous avez oublié un adresse ou un numéro de téléphone, c'est pas bien compliqué de retenir assemblagerequis.com. Ou même sifou.ca. Ou même ça, puis cliquer sur le logo, ben oui, il y a moins de lettres là-dedans, j'avoue. C'est encore moins compliqué de même. J'avoue. Moi, j'avais pas pensé à ça, ben trop vrai. Je sais. Ben, okay. Bon. Ben merci, Billy. En terminant, François, on avait un autre petit show, une petite affaire à rajouter là-dedans. Oui. Mais juste pour revenir aux journées portes ouvertes, en fait, quand tu parlais de projet, c'est vraiment les programmes disponibles à l'école. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y a un cours de terrassement, donc ils ont vraiment construit une galerie de fous. Sur le toit? Non, c'est dans les serres. Là. Ils ont des projets, là, mais... C'est beau, là. Moi, j'étais vraiment comme « Oh, je veux ça dans ma cour ». C'était vraiment beau. Mais là, en ce moment, c'est fleuri ou? Ben, il y a des serres, fait que vraiment, toutes sortes de plantes, ils ont vraiment travaillé fort, là. C'est des petites fourmis, présentement. Tu. Ça court partout, ça... Ah, oh, j'ai besoin de mon matériel à la dernière minute, là. Mais c'est quand même impressionnant de les voir aller, là. Je me dis « Mon Dieu, je pourrais pas faire ça dans la vie, Ouais. Ah non, c'est des gens passionnés. Oh oui. Merveilleux. 4 et 5 février. Oui. Du côté de Nicolette, les journées portes ouvertes. Moi, en terminant, je parle du carnaval de Sainte-Marguerite, du district Sainte-Marguerite, ici même à Trois-Rivières. C'est vraiment juste à côté de l'université. En fait, il y a quelques activités qui sont plaisantes parce qu'on peut pas en faire vraiment ailleurs si on sort de la ville. Si on reste en ville, désolé. Donc, promenade en calèche. Donc, c'est vraiment des coûts minimes. D'ailleurs, on parle au coût de 2$ pour petits et grands. Donc, ça peut être très plaisant. Il y a du soccer sur neige. Promenade en traîneau à chien. Je sais que Mathieu a toujours rêvé d'essayer ça. Donc, ça peut, pour 11 ans et plus, coûte seulement 2$. Donc, voilà, il y a de la tire aussi. Chansonnier qui va être présent. Ça y est, tiens d'avoir Mathieu. C'est ça. juste pour la tire. C'est pas tellement loin de chez vous, d'ailleurs. Je sais pas si tu dois pas faire partie de ce quartier-là, mais... Je sais pas, moi. Je viens de déménager, j'ai aucune idée de mon quartier, c'est quoi, ou mon diocèse, ou ma paroisse. Ça doit être... ça doit être Rosemont. Peut-être. Je invente pas des affaires, maintenant. Je sais pas. Donc, il va y avoir d'ailleurs un spectacle d'humour aussi. Et ça se déroule sur 2 jours, le samedi le 29 et dimanche le 30. Donc, le dimanche, c'est vraiment plus familial. Donc, avec un dîner pour la famille, bingo. Promenade en calèche, évidemment on peut patiner, jouer au hockey, glisser, tout ça gratuitement. D'autres tirs d'érable et ça finit par la musique country. Yeah! Avec, ils disent pas c'est qui, mais j'aimerais ça voir le Viateur Caron présent. Ah, Viateur Caron! Mais je sais pas, je peux pas, écoute, il faut pas partir de faux cancan, mais... La vedette de chanson Via Country? Ouais. Y a pas la fille de Tégarelle, je l'ai vu hier, c'est pour ça que... Y a pas la fille de l'émission de bricolage aussi? Ah, je sais pas, là, je sais pas son nom. C'est bon, ça. Voilà. Merci, c'est la fête du quartier Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite, tout à fait. C'est en fin de semaine. Oui, ou le 29 et le 30. Donc, je pense qu'il annonce, quand même beau. Il annonçait un moins 10, quelque chose comme ça. Fait c'est juste parfait. C'est correct, ouais, c'est correct. C'est pas comme hier et avant-hier. Donc, merci François-Olivier, merci à toi aussi. Évidemment, Émilie, à un moment donné, c'était fini, mais c'est quand ça. Même merci. Là, OK. Tu m'en ailles, là? Ben, tu peux rester encore un petit peu, parce qu'on va aller écouter une pièce de Modest Mouse. OK. Je viens de faire le lien que t'as choisi une pièce de Modest Mouse, puis à parler de souris, c'est... tantôt. Oh. J'ai pas vu que tu... OK, tu veux vraiment, je m'en aille. Ah, c'était écœurant, ça, par exemple. C'est quoi la pièce? C'est la pièce... Écoute... J'ai pas choisi sa pièce avant, par exemple, c'est comme ça, là. Je pensais que tu connaissais ça. Moi, Modest Mouse, je sais ce que c'est, mais je connais pas. La 2, la 3, la 4 est excellente. C'est tout, bon, on va les faire jouer une après l'autre avec le Continuous, attends un peu. Ah non. L'album Good News for People Who Love Bad News. Donc, on peut aller entendre la 3. OK, Float On. Oui. Bon, mais parfait. Tu peux garder le CD. Je vais garder la prochaine. La boîte. Tant que tu as le CD. J'ai le CD. Non, mais... C'est confirmé. Émilie? Ouais. Tu peux rester peur. Encore. Je vais te dire quand t'en aller. Attention. Vas-y! Bye! Je vois quand même une petite souris. C'est un assemblage requis au 89.fr. We'll all float on anyway. Well, I felt you making two.

Ah! Quoi ça? Hé! Hey, je pensais pas être amoureux, moi. Ben oui, tu sais bien, gars, ça, gars. Go. Parle, dis quelque chose. Go, boy. Parle. Hey! Oh! Hey, j'ai failli le pogner, celle-là. Je l'ai censuré juste à temps. Ah! OK, donc vous êtes à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Il nous reste environ 25 minutes ensemble. François, as-tu entendu parler que Tout.tv va être sur l'iPad et l'iPhone? Une application? Ben oui, à partir d'aujourd'hui, en fait. C'est wow! Tout. C'est désormais assez accessible à tous. Maintenant, Maintenant, le contenu de l'application iPad et iPhone est disponible à partir d'aujourd'hui, presque un an après le lancement de la plateforme gérée par Radio-Canada. C'est selon la presse, tout ça. On dit que l'interface a été légèrement modifiée en raison du format des appareils, évidemment, mais le contenu de l'application destinée au iPad ne diffère pas de ce qui est déjà à faire sur le site web. Un bandeau qui change constamment, donc publicitaire. Hein. Des suggestions d'émissions à regarder et les capsules les plus populaires, c'est ce qui entoure votre diffusion sur l'iPhone et l'iPad. On rappelle qu'en octobre dernier, RDI avait lancé une application iPad et iPhone. Depuis, Radio-Canada a enregistré 36 300 téléchargements. C'est précis quand même, 36 300 pour RDI, c'est une bonne affaire. On va voir pour tout.tv, je suis pas sûr que ça va être beaucoup plus populaire. Ah, ça va être plus que ça, certainement. Et plus rapidement aussi. J'ai bien hâte d'aller voir ça, moi. Tu étais en train d'aller chercher ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est en train de se télécharger. On peut regarder là, toutes les émissions, là, que ce soit La Galère hein, pour les filles ou des émissions bonnes pour les autres. Ben, il y avait Les Invincibles, là, vois-tu, je sais pas s'ils sont plus, encore ça. Là-dessus. Non, je crois terminé? Pas. Aux dernières nouvelles, il me semble que... Mais ils font une rotation? Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que tu viens cannibaliser les ventes de DVD si tu continues d'offrir l'émission sur le site gratuitement. Ça, je peux comprendre la tactique business de la chose. C'est bien de disons, agacer les gens en offrant la série au complet des Invincibles pendant genre une petite période prédéterminée de genre 2 semaines. T'sais. Puis après ça, ben, oh! Finalement, c'est le DVD, puis là, t'as pas fini d'écouter la série sur Internet parce que tu manques de temps. Bon. C'est une bonne tactique, j'aime ça. Je trouve que c'est correct. Oh oui, c'est brillant. Moi, je suis content de payer pour les affaires qui m'intéressent vraiment beaucoup. Mais payer, tu parles d'acheter les DVD. Ouais, les DVD ou, tu sais, si. Parce que les émissions américaines sont souvent disponibles en téléchargement sur iTunes. Je trouve encore le prix très cher, par exemple, sur iTunes, là, des fois, pas sûr de vouloir payer autant pour un épisode, tu sais. Mais bon. Non, mais je serais content de payer pour ces affaires-là, quand ils sont disponibles. C'est que l'affaire, c'est que les émissions que je veux télécharger, souvent, ne sont pas disponibles à télécharger ou à acheter de façon légale. Mais c'est des trucs plus rares. Ouais, c'est ça. Et ça m'énerve au plus haut point. Fait que ça me fait plaisir de pas les payer. T'sais. Ben oui, certainement. Écoute, si t'es pas capable de les trouver. Ben c'est ça. À un moment donné, tu aides moi à vouloir être légal, là. Hein? Mais c'est parce que si c'est moins compliqué à aller les chercher gratuitement, non, mais un fou d'une poche, tu sais. Un fou d'une poche, exactement. Ouais. Tu sais, une poche de fou, là. Une poche de fou. C'est ça qu'on dit. Voilà. Bref, on vous tiendra au courant. On la téléchargera tous les deux. On regardera des émissions sur tout.tv ensemble. Hey, mais c'est très cool, en fait, je viens de l'ouvrir, et puis il y a le bye-bye. Il t'offre des choses que tu pourrais aimer dès le début. C'est bien. Ouais, pareil comme sur le site, quoi. Ça doit tirer beaucoup de jus sur la batterie, par exemple. Et sur ton plan de Wi-Fi, ton plan d'Internet, si t'en as un. OK, ben oui. Parce que si t'es sur le Wi-Fi de l'université ou à la maison, ça coûte rien. Mais si t'es sur ton plan, que t'as payé avec ta compagnie, là, qui t'offre un genre de 500 mecs de peu importe. Là. Quand t'es sur le coin de la rue, là. Ouais. Puis tu veux écouter une émission. Faites le pas, s'il vous plaît. Même chose pour l'application, c'est fou. T'sais. Peut-être pas nécessairement écouter, c'est fou si vous êtes sur un plan à 500 mecs. Peut-être. Juste ça de même, tu sais. Mais du son, ça attire beaucoup de. Ben, pas autant que l'image, évidemment pas. Mais par contre, ça peut monter relativement vite en termes de par seconde, là, tu sais. De quelques temps. Bref, voilà pour notre petit côté technologique ce matin, hein, qui se pointe pas le bout du nez, mais souvent, il fait trop froid. on va écouter du Patrick Watson. Voici Weight of the World. I got my feet knocked off the ground. I got my head knocked off my feet. I tried to swallow all of the words, and now I've gotten in a little too deep. And now I'm falling towards the sky. I just don't know how old.

C'est très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très bon. Est-ce que j'ai mis assez de traits ici? Bio Bazaar. Bio Bazaar. Évidemment, vous l'aurez reconnu par son style les plus déjantés, hein? Adjectif que je n'utilise pas souvent et que je ne suis pas sûr d'utiliser correctement dans ce cas-ci, mais déjanté, mettons. Peut-être, je ne sais pas, non plus. Bio Bazaar, allez voir biobazaar.bandcamp.com pour télécharger cet album Wells Vagina qu'on adore écouter ici. Pas mal souvent, je trouve, mais pas assez encore. Assemblage requis. De plus en plus. De plus en plus. Again, more. Bon. Parlons de choses à faire de ces temps-ci. Savais-tu que demain, François, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup dans la vie, ça, c'est de regarder les publicités de partout dans le monde. Ah oui, les c'est publicités... Vrai. Demain soir, les Lions de Cannes 2010 ont lieu à Trois-Rivières, à la salle Anaïs Allard-Rousseau. C'est 15$, quand même. Pas si pire pour regarder tellement de bonnes choses. Dans le cadre de la semaine de la publicité, je savais pas probablement que c'était la semaine de la publicité, je vous l'apprends, peut-être vous aussi. On nous présente les lauréats de la grande compétition internationale de publicité des Lions de Cannes, une présentation exclusive à Trois-Rivières qui en est à sa 7e édition. J'étais allé une fois et j'avais vraiment capoté là-dessus. Je devrais y retourner. Laissez-vous impressionner par les 150 meilleurs films publicitaires au monde de l'année 2010. Une soirée de projection pour se sentir petit devant les grandes idées. Génial. Sérieusement, c'est vraiment une très, très bonne soirée, ça. Vraiment, j'adore ça. C'est quand? C'est demain. OK. Demain soir. Sinon, ce soir, il y a le match bleu versus blanc de la Lime. À la Maison de la culture de Trois-Rivières, salle Louis-Philippe Poisson. C'était à l'hôtel de ville, en haut de la bibliothèque, à Trois-Rivières. Deuxième match de 2011 qui s'annonce épique, alors que les Bleus affrontent les Blancs. En effet, les Bleus sont sur une lancée suite à leur gain face aux Rouges lors du dernier match, mais ils devront faire face à cette fois à une équipe affamée. Les Blancs cherchent la victoire et cette fois contre les Bleus, leur équipe sera complète, contrairement à leur dernier affrontement où c'était incomplet, on dirait. La synergie des Blancs suffira-t-elle pour l'emporter? C'est un rendez-vous ce soir, mardi, à la Ligue d'improvisation mauricienne, Maison de la culture de Trois-Rivières, salle Louis-Philippe à poisson à blue blue blue à blue blue blue à blue blue blue. Voilà pour les petites choses que je suggère à faire en ce moment. C'est vraiment bien, deux activités incroyables, incroyable, épique. Ouais. C'est pas cher non plus, donc non, not cher, not très cher, not very cher. François, Mathieu, tu m'étonneras toujours. Merci, juste un message comme ça que je te passais subtilement, juste tu m'impressionnes. On pourrait l'entendre, je pense qu'un groupe qu'on a fait jouer très souvent. Ah non? Voire même jamais. On n'a jamais fait jouer ça, du... c'est quoi ça? Dashboard Confessional? Ouais, mais pas ici le matin. Ah ok. Où est-ce qu'on aurait fait jouer ça ensemble? On n'a jamais animé non, ensemble. Non, mais je sais pas, peut-être que ça a été au palmarès. Ah, peut-être. C'est fou. On pourrait l'entendre la première, hands okay. down. D'accord, je baisse les mains et les bras. Tu baisses les mains, les bras? Ben, je baisse. Parce que tu peux, ouais, ben, juste baisser les mains, il faut comme que tu baisses les bras parce que ça vient avec, comme. Mais. Tu peux baisser les mains, même à monter tes bras. C'est vrai que tu peux faire ça aussi. Donc, Dashboard Confessional, hands down. Et puis après ça, on revient et on se dit au revoir. Ouais, ça va être la fin. Ah. Ah. Blou, blou, blou. Blou, blou, blou. Self-control. Your legs are smooth as they graze mine. We're doing nothing at all. Well, someone did you kiss might kill me. Someone to kill me. Someone to have me. My heart is yours to fill a burst. To break a barrier. Not get busted, just lay entwined here, undiscovered. Saving you from all the stupid questions. Hey, did you get some? Man, that is so dumb. Stay quiet, stay near, stay close to the ear, so we can get some. Yeah. when we're in our disarray, that makes one thing we share together. The streets were wet and the gates were locked, so I turned in and I let you in. And she stood at the door with your hands on my waist, and you kissed me like you meant it. I knew that you Dashboard Confessional avec la pièce Hands Down. Hands Down. Je le disais à l'italienne un peu. Hands Down. Mamma mia. Mamma mia. It's a very nice. Al dente. Spicy meatball. Spicy meatball. OK. Avant de terminer l'émission, on doit se rappeler, on doit retourner en direct en fait sur le dance floor du carnaval pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. Voici votre programmation pour le carnaval étudiant pour ce mardi 25 janvier. Dès 9h, le bain de neige. 11h, schlack. 12h30, débrouille-toi. 15h, hockey des patriotes. 16h30, la course aux objets. 17h, concours de dessin. 18h30, installation des salons au 10-12. 21h, une joke, une bière. Et 23h, spectacle d'humour avec Kathleen Rouleau, Franck Grenier et Pierre Hébert. Pour connaître l'ensemble de la programmation et les lieux d'activité, veuillez consulter le cahier des participants au www.uqtr.ca/carnaval et syntoniser C'est fou durant les émissions quotidiennes. Wow! Il y en a des choses à faire en ce moment sur le dance floor du carnaval, c'est incroyable! Tout à fait. Ce matin, d'ailleurs, le Café Bailey's oui. qui commençait à 8h. Et le bain de neige s'en vient à 9h, donc juste après notre émission. Évidemment, tantôt, on vous a parlé qu'il y avait de l'impôt ce soir, les lions de Cannes. Il y a évidemment les activités du carnaval, donc vous avez le choix. Peu importe votre goût, votre envie ce soir, vos vœux seront exaucés. Hein? Oui. Il y a beaucoup de choix, c'est ça que ça veut dire. Ça. Il y a énormément de choix. Ça aurait pu être mieux dit, mais il y a beaucoup de choix. Bon. Bref, c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. François, qu'est-ce qu'on a à l'émission de demain? Demain, mercredi, on reçoit Maxime Lemieux-Laramé. Eh oui! Eh oui! Tout à fait, avec son blanc téléchargement. Un petit blanc. C'est pas grave, je suis là pour t'aider, moi. Merci, Mathieu. J'espère que tu seras là pour m'aider quand j'en aurai besoin aussi. Ah oui. Bon, je vais tenter. Donc, Maxime Lemieux-Laramé demain à l'émission à partir de 7h. Restez sur nos ondes. À partir de 9h, c'est l'émission, la nouvelle émission que j'anime, C'était fou. En rappel, où on retourne dans le passé avec des extraits d'émissions des archives et un palmarès d'une semaine choisie. Donc, c'est l'émission C'était fou. Ça commence à 9h. À 11h, on a dîné de con avec Daniel Janvier. Oui. Et son collègue Charles-André. Charles-André. Peut-être qu'il sera là. Peut-être. On ne sait pas. C'est un peu un coup de dé. Ensuite, à 13h, soyez pour une pêche en mission, puis La Spirale, Les Bêtes Raburlantes, On se la joue, Recrever les réanimations. C'est une belle grosse journée remplie de différents styles musicaux, de styles d'humour et de styles de pertinence. Si vous voulez plus d'informations sur la programmation, d'ailleurs, vous pouvez visiter le www.cfou.ca et même pour l'écouter en direct sur Internet. Donc, On peut tout faire là-dessus. C'est quoi la technologie 2011? Aïe, aïe, hein? Merveilleux. Retrouvez les notes de l'émission et puis les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Toutes les informations sur l'émission Assemblage Requis, c'est là-dessus que ça se retrouve, assemblagerequis.com. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent dans quelques minutes, alors restez là. Et puis après ça, moi, je reviens avec C'était fou. Fait que bougez pas, hein? Il ne faut surtout pas bouger. Don't move a muscle. A muscle. Bouge pas le muscle. Le muscle. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.